Laisse donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Petit Pékin, oh oui, viens avec moi. Apprendre, ce ne vaut pas. Salut, c'est Rick, bienvenue ici sur l'antenne de Érigé 90.7 et sur internet erigfm.fr. Et puis évidemment, vous suivez cette émission par le biais de Facebook Live ici tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit, voire plus. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir Johnny Hallyday ou de redécouvrir Johnny Hallyday pendant les années 2000. Les années 2000 sacrent Johnny Hallyday au rang de superstar, d'icône et de légende vivante. Johnny sait qui peut à présent remplir des stades, le monument Johnny s'attaque à un autre monument, la Tour Eiffel, deux fois pendant cette décennie. Il remplit à nouveau le Parc des Princes en 2003, le Stade de France en 2009 et remplit toutes les salles où il a, jadis, triomphé sur Paris et en province en 2006. Dans les années 2000, Johnny fait du cinéma, dont le succès avec le film Jean-Philippe, et Johnny fait une pause en 2001 et 2002 et participe au rallye Paris-Dakar et le rallye de Tunisie. Dans les années 2000, Johnny enchaîne les passages télé et ainsi que les duos. Voici donc en images ou en son le triomphe de Johnny pendant les années 2000. Bonne soirée à toutes et à tous et on commence tout de suite par l'année 2000. En mai plus exactement, Johnny se prépare à la prochaine série de concerts à Los Angeles. Je vais te voir t'élever. C'est pas la femme, hein, ça. J'accumule des images. Farceur. Fais gaffe au rythme. Non. T'as été trop rapide sur les mots alors t'es arrivé ouais, trop ouais, tôt. Ouais, ouais, et da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da. Ok, d'accord. C'est bien parce que c'est plus que tu peux, ouais. Tu peux faire. Merci, tu peux faire la, je m'éclate comme un homme. Tu peux faire la guitare là, c'est mieux quand même. Hey Johnny. Hey man. What's up? Good man, yourself? Thank you. La balade est très intéressante. Tu veux en essayer? J'ai pu voir une perspective de hauteur, de ça. Et j'essaye autre chose. Quoi? Allez, mais viens avec moi, essayez quelque chose. J'avais pas te laisser tout seul avec non, ça. Non. Allez, ça va bien? Bien. Yeah. La deuxième voix dont je reviens, la deuxième fois, trois fois. Donc c'est celle avant. C'est celle avant, une fois, deux fois, trois fois. Il y a une normale, je m'en vais, je reviens. C'est celle-là. Donc là, c'est celle-là. Après, tu repars. Je repars, et après je reviens, et c'est les 1, 2, 3, 4. Et après, je m'en vais. Définitivement. Comme tu peux partir loin, quand la musique est là, je veux te voir. Mon petit Stéphane, sorti du Jura, sorti de la tanière. Vendredi 2 juin, coup d'envoi à Toulouse de la méga tournée 2000, Johnny présente un show semblable à celui qui donnera le 10 juin à la Tour Eiffel. Comment ça va à Toulouse ce soir? Vous savez que ce soir, c'est notre premier... C'est la première fois que nous faisons ce nouveau spectacle pour tout l'été. Et nous l'avons fait un petit peu comme... Bon, vous allez m'aider un petit peu parce que... On l'a fait un petit peu comme un spectacle et aussi comme une semi-répétition. Donc quand il y a des moments qui ne vont pas, on s'arrête, on commence. Mais tout ça pour que vous faisiez partie, vous fassiez partie, pardon, de ce que nous allons faire. D'abord à la Tour Eiffel et ensuite en tournée. Donc ce soir, vous êtes un petit peu mes partenaires pour cette soirée. Bon, voici une chanson de mon... dernier album, Les larmes de gloire. J'aurais traversé des déserts en chialant de la misère. Dis-moi ce que j'aurais pu faire, aller jusqu'au bout de la terre. Mais c'est pourquoi l'univers, dis-moi ce que j'aurais pu faire. Je ne voulais pas d'autre chose que le goût d'une nuit dans tes bras. Pas semblant d'oublier les combats que j'aurais pu livrer. Quand à la tête d'une armée, vers tes maléfices tu marchais. Et l'on passe des jours de colère. Ah, j'ai déchiré par la guerre. Dis-moi ce que j'aurais pu faire. Nous sommes à présent le samedi 10 juin 2000. Trois quarts d'heure avant le début du spectacle, Johnny est en direct dans le journal télévisé de Claire Chazal. Sur l'écran de contrôle, il découvre l'incroyable marée humaine qui s'étend à perte de vue le long du champ de Mars. Il se fend d'un sourire crispé. Et, regagnant sa loge, il cède à quelques minutes de panique en disant « Je ne vais pas y arriver ». les portes, les barrages. Oui, sortir le loup de sa cage. Sentir le vent qui se déchaîne. Battre le sang dans nos veines. Monter le sang des guitares. Et le bruit des motos qui démarrent. Une étincelle. Oui, rien. Oui, d'un geste. Une étincelle. Oui, d'un mot d'amour. Et pour allumer le feu. Allumer le feu. Et faire danser. Oui, les diables et les dieux. Allumer le feu. Allumer le feu. Et voir grandir. La flamme dans nos yeux. Allumez le feu. Laissez derrière toutes nos peines, nos haches de guerre, nos problèmes. Se libérer de nos chaînes. Et lâcher le lion dans l'arène. Je veux la foudre et l'éclair. L'ordre de toute le tonnerre. Moi je veux la fête et les rires. Moi je veux la foudre en délire. Ah, une étincelle. Mais t'as rien. La contact. C'est une étincelle. Oui, pas comme le jour. Et tout. Et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu et faire grandir la flamme dans nos yeux. Allumer. Oui, t'as rien, oui, d'un geste. Il suffira d'une étincelle. Oui, d'un mot d'amour. Pour, et pour, et pour allumer. Bonsoir. Eh bien, je suis vraiment très très heureux d'être avec vous ce soir. Vous savez que ce soir, c'est une victoire pour nous Français. D'abord, vous savez tous que Marie Pierce a gagné le tournoi de tennis aujourd'hui. J'en suis vraiment personnellement très heureux. Et puis, moi je suis avec vous ce soir ici. Je m'appelle Jean-Félix Beck, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin 1943, moi je suis né dans la rue, par une nuit d'orage. Moi je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. Je suis né dans la ville où les murs sont surgelés. Derrière un terrain vague où se trouve l'étonné. Dans un berceau de fer, je devais grandir. Ne me retenez pas si je ne sais pas sourire. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue, ouais, dans la rue. Je n'ai pas eu de père pour me faire entrer le soir. Et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Parce que je suis né dans la rue. J'ai dû me battre pour avoir la fille que j'aimais. J'ai dû me battre encore plus fort pour la garder. De tous les côtés de la ville on me cherchait. Mes poils se sont serrés, le fil n'est pas changé. Je suis né dans la rue, moi je suis né, tu sais, dans la rue, ouais. Maintenant je ne vis plus où les murs sont toujours gris. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Les chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Mais dans la galerie, moi je retourne dans la rue. Je suis né dans la rue, je suis né, né dans la rue. On parle avec respect et je dîne chez les rois. On choisit mes amis, tu sais, les meilleurs qui soient. On voudrait me faire changer, mais c'est une cause perdue. Vous perdez votre temps, moi je retournerai à la rue. Parce que je suis né, né dans la rue. Dans la rue. Jeudi 31 août, en clôture de sa méga tournée 2000, Johnny donne 3 concerts au Théâtre Saint-Denis de Montréal et Jean Reno le rejoindra pour entonner la musique que j'aime. Avec le rock'n'roll, il vient de là, il vient du blues. La musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de lui. Les mots ne sont jamais les mêmes, pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Il le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Dis-moi ça. Ouais. Il y a longtemps sur des guitares. Les mains noires que j'ai vu donner le jour. Pour chanter les peines et les efforts. Et oui, chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra, tant que vivra le blues. Et que ça veut dire que je t'aime, que j'ai mal entre les. Tu pleures mais tu chantes quand même. C'est ta prière pour la garder. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Je sais, tu le chanteras toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires les donnaient le jour. Pour chanter les peines et les espoirs. Pour chanter Dieu et puis l'amour. Ah, le plus ça veut dire que je t'aime. Et que je m'aime. C'est ta prière pour la garder. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de blues. Que les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Exprimer ce qu'est le blues, yeah! Il y a quelques années, j'avais écrit une chanson pour mon ami Johnny Hallyday. Il m'avait fait la grande amitié de m'inviter au Stade de France à la chanter avec lui. Et c'était important ce jour-là. Et puis je sais, tous ces regards sur moi. Et puis je sais, tous ces mots qu'on ne dit pas. Et puis je sais, tout ce que j'aurais pu faire, à défaut de me taire, quand j'approchais l'enfer. Et puis je sais, les sourires qu'on invente, les mains glacées, les longues heures d'attente. Et puis je sais, les matins fatigués, par trop de mots gâchés, trop de rêves envolés. Et puis je sais, il y a eu des colères, des cris lâchés, des mots lancés en l'air. Et puis je sais, tout ce que j'aurais pu dire, à défaut de souffrir, quand je les voyais venir. J'ai crié tant de fois pour qu'on m'entende mieux, si souvent maladroit, si souvent malheureux. J'ai garé mes angoisses sur des parkings de haine. J'ai payé des ardoises bien plus chères que mes chaînes. Mais je sais qu'on ne pardonne rien à qui se trompe de destin sur ce drôle de chemin. Et puis je sais. Et puis je sais, c'est jouer trop fragile, qu'on ne donne jamais. Et qu'on te prête facile. Et puis je sais, toutes ces nuits inquiétantes, la peur collée au ventre, pour remonter la pente. Et puis je sais, les silences entendus. Et puis je sais, toutes ces choses qu'on ne fait plus. J'ai glissé sur des lits de hasard, dans quelques nuits trop noires, pour quelques heures d'espoir. J'ai essayé de vivre au milieu des remords. J'ai tenté de survivre quand on me croyait mort. Si j'ai cru pour de bonnes amitiés poussières, chercher la solution au fond de quelques verres, c'est que j'avais peur que les autres me voient comme je vois les autres. J'avais si peur de moi. Et je sais, aussi peur de moi. je l'aime. Il est formidable. Merci. Merci à tous. Bon, vous avez été contents pour les surprises ce soir, ça va? Ça aurait été bien si... de finir avec Johnny, mais Johnny n'est pas là, donc... voilà. Ça aurait été super qu'il puisse venir, non? Vous voyez pas? Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Merci Johnny. Merci. Horaz Bakar, pas de changement au classement général. L'Italien Meoni toujours en tête côté moto. Le Japonais Matsuoka toujours premier côté voiture. Mais l'image qu'on gardera sans doute de cette édition, c'est celle de Johnny. Premier rallye pour le chanteur, une épreuve dans tous les sens du terme. À 3 jours de l'arrivée, le meilleur de la course de Johnny, récit Christophe Duchiron, Pierre Le Petit. Le plus facile, ce serait d'en rire, parce que Johnny est arrivé ce matin à l'heure où d'ordinaire, on fait la fermeture des boîtes de nuit à Saint-Tropez ou à Paris. Bref, c'était pas la joie, morceau choisi. On a tout eu. Voilà, je me suis foulé le poignet dans les dunes, le volant, c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu veux, on a cassé encore un truc. Il est cassé. Le ressort à droite, plus toute la roue. On a recommencé 20 fois, puis on retrouvait plus la route. Je vais prendre un café. Vous l'aurez compris, on peut être un octambule et passer une mauvaise nuit. Johnny Hallyday et René Medj ont perdu 8 heures sur le vainqueur de l'étape. C'est beaucoup, mais c'est sans doute le prix à payer pour celui qui ne veut pas se priver de désert. Oui, évidemment, le plus facile, ce serait d'en rire, parce que sur le sable chaud, Johnny Hallyday n'est pas Laurence d'Arabie, mais un simple amateur. C'est quoi, on était bien là ? Un amateur, oui, comme le sont les bouchers, charcutiers, boulangers, employés, acteurs, chanteurs ou princesses, qui ont fait eux aussi depuis des années la popularité du Dakar. Bien sûr, le plus facile serait d'en rire, car chaque jour qui passe est une épreuve. Mais qu'importe, entre un bon coup de volant et une réplique bien sentie, Johnny reste Johnny. Tu te rends compte, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Tous nos voeux accompagnent Johnny Hallyday et René Medj pour rallier Dakar, même si sans conteste, l'idole des jeunes n'est pas encore le prince du désert. Dimanche 8 décembre 2002, Johnny est l'invité d'honneur de l'émission Vivement Dimanche, présentée par Michel Drucker. Et il présente des extraits de son nouvel album, À la vie, à la mort. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanouis mon innocence. Tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais malgré mes efforts désespérés. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveille. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour oublier. Oh, oh, oh, oh. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Et je cours toute la journée sans savoir où je vais. Dans le bruit, dans la fumée, je vois des ombres s'entretuer. Demain ce sera le grand jour. Il faut... faudra faire preuve de bravoure, monter au front en première ligne. Ô Marie, je t'en prie, fais-moi un signe. M'a promis sa dernière danse. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Oh Marie, j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Oh Marie, j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Réfléchir, je crois que tu me dois bien ça. Tes regrets ne vont pas suffire, tes caresses ne suffiront pas. Si tu es prête à revenir, peut-être que moi je ne le suis pas. Je garde un mauvais souvenir de ton bye bye. À la prochaine fois, passez mon temps à te maudire. J'ai autre chose à faire que ça. Alors à toi de réfléchir, à toi de savoir oui où tu vas. Tu sais que j'aime te voir sourire, mais je ne recommencerai pas. Simplement pour te faire plaisir, les adieux ne m'intéresse pas. Si c'est pour me proposer pire, ne reviens pas. Si tu n'as rien d'autre à me dire, oh, ne reviens pas. Ne prends pas cet air de martyr, j'aimerais pouvoir t'ouvrir les bras, mais je ne tiens pas à finir complètement fou à cause de toi. Ton envie ne va pas suffire, il va falloir trouver mieux que ça pour me convaincre et me séduire, pour me faire oublier tout ça. Pour me proposer pire, on n'en revient pas. Si tu n'as rien d'autre à me dire, ne reviens, reviens pas. Si tu n'arrives pas à choisir, non, ne reviens pas. Reste où tu es, fais-moi plaisir. Fais-le pour nous, Je ne cherche pas à te punir, je sais ce qui est mieux. Oui, pour moi, tu as des yeux pour t'en servir. J'espère que tu t'en serviras. Tu comprends, je ne veux pas finir complètement fou de la cause de toi. Oui, si c'est pour me proposer pire, non, ne reviens pas. Si tu n'as rien d'autre à me dire, ne reviens, ne reviens pas. Si tu n'arrives pas à choisir, ne reviens, ne reviens pas. Est-ce que tu l'es, fais-moi plaisir. Fais-le pour nous, ne reviens pas. Jojo National, Johnny Hallyday, il fait son retour au cinéma avec Jean Rochefort dans un film de Patrice Lecomte, L'Homme du Train, un film très bien accueilli à la Mostra de Venise où il est en compétition. Sur la Lagune, Marie-Jo Jouan, Alain Locasio. Le monument du rock français ici à la Mostra, qui aurait pu le croire, même pas lui, comme un gosse, Johnny profite enfin de l'univers dont il a toujours rêvé en secret, celui du cinéma. Patrice Lecomte a osé le faire, l'associer à Jean Rochefort, 72 ans, acteur fétiche du réalisateur. Je peux vous demander quelque chose? Ah, bien sûr. Vous pourriez me prêter des pantoufles? Et pourquoi vous avez mal aux pieds? Une vraie amitié, c'est à la vie, à la mort. Un homme sans amitié est inquiétant. Mais nous, là, on est deux, on forme une équipe. Car c'est d'une histoire d'amitié dont il s'agit, aussi virile qu'improbable, entre un prof de français à la retraite et un braqueur de banque raté. Allez leur dire. Confusément, l'un aurait bien voulu avoir la vie de l'autre. Pas évident d'être confronté au ténor de la scène qu'est Jean Rochefort. On savait qu'il avait le cœur tendre. À Venise. On apprend que Johnny, à 59 ans, se remet toujours en question. Il m'a regardé avec ses deux yeux bleus, très inquiet dans les yeux, il m'a dit... On va rire hein, pendant le film, on va rire. J'ai fait, mais oui, et je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour le faire rire? Il est gentil, hein? Il est sympathique, quoi. Vous étiez un bon prof? En 30 ans d'enseignement, pas un seul attouchement sexuel à me reprocher. Chapeau. Le film a été écrit pour eux deux. Ils acceptent de faire le film. C'est ce qui peut arriver de mieux à un metteur en scène. Parce que c'est plus facile de travailler avec un Stradivarius qu'avec un crin-crin. Dernière cascade. Et il semblerait que le scénario fonctionne aussi bien dans la vie que dans le film. Les héros, ça bouge pas les héros. Moi j'ai eu peur. Oh. Brillante partition à deux voix placée sous le signe de l'humour, L'Homme du Train a conquis le public de la Mostra de Venise. 20 minutes d'applaudissements debout et pourquoi pas un film français pour le Lion d'Or. Tous les yeux, et des sourires dans chaque fossette. L'amour nous guette, c'est merveilleux, dis-moi. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Y a des noisettes dans les chemins creux. Y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Des papillons s'en vont par deux. C'est vrai? Et le mille pattes met ses chaussettes. Les alouettes se font des aveux. Ah oui, dis-moi. Qu'est-ce qu'on attend? Ah, qu'est-ce qu'on attend, oui. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Les parapluies restent chez eux. Les quatre s'en vont, Thomas Musette. Levez la tête, les amoureux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend, dis-moi? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Sublime! Mon ami Patrick, c'est trop sympa. Merci Johnny. Un des duos merci, les Johnny. Plus percutants. Johnny Hallyday, mesdames, messieurs, ça va Johnny? Ça va? Ouais, très bien. Regarde. Merci. Ils sont pas heureux ces deux-là? Les gars. C'est pas vraiment mon style, moi. Oui. Bah, dites donc. Tu t'en sors bien pour quelque chose qui n'est pas ton style. Eh oui, Ray Ventura, ça c'est une époque. Mais c'est une époque que Johnny aime bien, toutes ces chansons-là. Moi j'ai bien connu Ray Ventura à l'époque avec son grand orchestre. Et puis c'était l'oncle de Sacha Distel. Et il y avait Henri Salvador comme guitariste. Absolument, et Sacha Distel l'a repris dans cet orchestre et avec la formation. Et il refait toutes les chansons de Ray Ventura d'ailleurs. Vous avez rencontré beaucoup de stars de l'entre-deux qui vous ont donné des conseils. Est-ce que Ray Ventura vous en a donné? Est-ce que Maurice Chevalier, Charles Trenet? Chevalier, tu l'as rencontré? Surtout Chevalier. Moi, Chevalier, d'abord j'avais 13 Quel ans. Quel âge? 13 ans, oui. À peu près, 12-13 ans, oui. Et j'avais chanté comme ça une chanson devant lui pour lui demander conseil. Il m'avait invité très gentiment à déjeuner. Et il m'a dit pendant ce déjeuner, tu sais, si tu veux faire ce métier plus tard, eh bien, la seule chose que je puisse te dire, c'est soigne toujours ton entrée. Ah bon? Soigne toujours ta sortie et au milieu, démerde-toi, chante. Et c'est ce qu'il fait depuis 43 ans. Alors maintenant, depuis, c'est vrai que j'ai toujours soigné. Ah, les entrées, vous mettez le paquet. J'ai toujours soigné mes entrées, que ce soit en hauteur ou pas. Oui, souvent. Et puis en général, mes sorties aussi, parce que c'est vrai, ce qui marque les gens dans une salle, le public, c'est quand on voit arriver la personne qu'on attend et puis quand on la voit partir. Alors pour que ce soit pas trop triste, eh ben on essaye de faire une belle sortie, quoi. Johnny, on connaît déjà votre entrée ou on le dit toujours pas comment, la façon dont vous entrerez au Parc des Princes pour vos 60 ans? Tout ce que je peux dire, c'est que ce sera encore une fois, comme j'ai le vertige, ce sera encore haut. Ah. Mais pas par hélicoptère cette fois-ci. Ouais. Alors, on va retrouver Johnny tout à l'heure parce que ces deux-là, puisque maintenant on est déjà au début de l'année 2003, en 2002, ils ont battu tous les records, cet album qui est incroyable. Et puis Johnny, c'est bien parti. Parce que quelques mois seulement avant le Stade de France, c'est déjà un record de vente. Il y a déjà des locations dans tous les stades. Pour les deux, ce sont des doubles albums. Absolument. Et on va retrouver Johnny avec un extrait, justement, de ce disque qui est une chanson de Stéphane Escher et Philippe Tian. On va retrouver absolument, tout à l'heure. Il ne revient pas. Voilà, donc Johnny revient tout à l'heure. Et maintenant, TF1 présente Johnny Hallyday en concert. Oh Marie, si tu savais, ne reviens pas. Si tu n'as rien d'autre à Johnny Hallyday, la tournée des stades. Un événement TF1 et RTL. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui. Oui, quelque chose de Tennessee. Cette force qui nous pousse vers l'infini. Y'a peu d'amour avec tellement d'envie. Oh, si peu d'amour avec tellement de bruit. Ouais, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui. Oh, quelque chose de Tennessee. Une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie. Sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami. Ainsi disparu Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, il se rêve en nous avec ses mots à lui. Oui, quelque chose de Tennessee. Mercredi 16 avril 2003, sortie du film Wanted de Brad Meerman sur les écrans français, qui est très mal accueilli à la fois par la critique et le public. Daniel, Julien, lui c'est Samy. Hey, salut, comment ça va? Alors, tranquille? Ok. Café. Ok. Mmh. lui c'est 0. Salut. Et moi je suis 1 et lui c'est 2, 3, 4 et 5. Alors, on part à Chicago? C'est ça, et Samy nous accompagne. D'où tu viens? Algérie. T'as fait l'école du rire en Algérie? Non, tu vois, ça c'est un truc qui me vient de Chicago. Ma famille est partie là-bas quand j'avais 8 ans et puis on a vécu un petit peu et... Zéro, on a vraiment rien à secouer de ta vie. Qui on doit descendre? Personne, j'espère. Personne? Mmh. Alors pourquoi Zéro est là? Le mec qui parle de lui à la troisième personne. Eh ben vas-y, te gêne surtout pas, Corizo. Je suis venu vous souhaiter un bon voyage. Et te dire que Marcel vient avec vous. Quoi? Un gros paquet de pognon, ça peut te faire tourner la tête. Progressif Optique 2000, c'est deux paires pour le prix d'une. Pour l'achat d'une monture avec verre progressif, Optique 2000 vous offre une deuxième paire avec verre progressif solaire, pour voir de loin comme de près. Pack progressif 2 pour 1 Optique 2000. Il est terrible. Optique 2000. Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul et on est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Ça c'est vrai. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis et sans problème. Tu connais ça, non? Ouais. Ouais, la belle vie. On s'en lasse, on est triste, mais on traîne. Alors pense, ouais, que je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, oh, réveille-toi, je serai là, tu seras là, pour toi, oui, pour moi. S'amuse à passer avec tous ses copains. Oh, et des nuits blanches, oh, qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans souci et sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense, Sacha, oui que je t'aime, chance. Et quand tu auras compris, réveille-toi, oh, réveille-toi, je serai là, oui tu seras là, pour toi. Merci Sacha. Allez-y. C'est le jour J. Champagne pour tout le monde et bon anniversaire Johnny. Je peux dire ma petite coupe de champagne quand même, on l'a pas volé. Toute l'équipe de la tournée s'est réunie avant le dernier concert au parc pour fêter les 60 ans du boss. Cheers, cheers. Salut. Salute. Here we are. One more time. Parc de France. No, it's an amazing thing here in Paris. Every time I come here, they keep making the baguettes smaller and smaller. C'est les macarons. Quel accueil! En coulisses, la bande à Noah fête aussi Johnny. Tu savais tout le bien que tu nous fais. Il y a deux mois, J-60 vous proposait de découvrir le plus grand artiste français, pas seulement côté scène, mais aussi côté coulisses. Et rien de plus simple. Même moi, j'y arrive. Moi, j'adore les chiens. Les chiens sont des êtres qui ne vous demandent rien, par de l'affection. Les plus fidèles. Ils ne vous tromperont jamais. Après des semaines aux côtés de la star, le mystère Johnny reste intact. Mais on en sait un peu plus sur l'homme, ses coups de gueule, ses coups de cœur. Le plus grand chanteur français n'est pas seulement une icône du rock, mais aussi un homme, tout simplement. Un chanteur vulnérable qui, pour se concentrer et travailler, a parfois besoin de partir au bout du monde, allant jusqu'à s'éloigner de ceux qu'il aime. Un grand professionnel aussi, qui travaille avec acharnement pour préparer le mieux possible ses concerts. Un perfectionniste qui veut donner le meilleur de lui-même à son public. Johnny Hallyday, un amoureux pudique aussi. Il préfère dire je t'aime en chanson. Mais la vie, mes rires à mes larmes, je te promets le pont à la place des jarres. Plus jamais des adieux, rien que tes au revoir. Un homme ordinaire aussi parfois. Ça vous arrive souvent d'aller au supermarché ? En France, jamais. Un homme timide, réservé, qui n'hésite pas à partager avec ses musiciens les moments de joie et de fête. Un chanteur un peu solitaire qui cherche la concentration loin du monde, avant un grand défi, comme un boxeur avant un match décisif. Disons que ces trois jours que j'ai passés à l'île Maurice, c'était surtout de la récupération. Parce que sur scène, quand il faut envoyer la patate, il faut l'envoyer. Alors si on est crevé, ça le fait pas, quoi. Et là, vous allez mieux ? Là, ça va. J'ai récupéré. Un homme courageux aussi, n'hésitant pas à braver les éléments pour tenir ses promesses. Un homme parfois inquiet qui, après 43 ans de carrière, a encore le trac et a besoin du soutien des siens avant de monter sur scène. C'est une merde. Ça va faire. J-60, on m'a pris tous les jours, comme ça, dans ma vie quotidienne, mes répétitions, mes virées en moto, mes retrouvailles avec Laetitia, mes retrouvailles avec les musiciens, avec mes copains. C'est des choses qu'on ne triche pas. Dans la vie de tout le monde, il y a des moments de tendresse, et puis il y a des moments d'angoisse, il y a des moments... Non, je pense pas. J'ai été assez vrai de ce que je suis humainement, en tout cas. Vous m'avez suivi pendant 2 mois, donc vous avez vu un petit peu comment je vis. Celui qui me comprend le mieux, c'est lui, de toute façon. Maman Toby, il y aura toujours une part de mystère. 6-60, c'est fini. Salut à tous et bon anniversaire, Johnny. quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime. Quand ta bouche fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non. Que je t'aime, que je t'aime. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes. Quand ton premier soupir se finit dans un cri. C'est moi qui dis non. Sur ton cœur, lourd comme un cheval mort, ne sais pas, ne sais plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat. Que je t'aime. Que je t'aime. Ouais. Que je t'aime. Que je t'aime. Éteignez tous ces projecteurs. Coup de théâtre la semaine dernière dans le monde de la musique en France. Je ne vais pas m'envoler. Après l'une de ses plus grandes tournées à travers l'Hexagone, Johnny Hallyday décide de quitter sa maison de disques. Une décision surprenante. C'est une fidélité qui n'a pas d'égal, Johnny et Universal Music. Depuis 1961, il fait partie de cette maison de disques, qui est la plus grande maison de disques de France. C'est donc 42 ans d'amitié, de fidélité. C'est surprenant parce qu'on ne s'y attendait pas. Et en même temps, quand on part du constat que Johnny est capable de tout, c'est pas surprenant du tout. Apparemment, cela fait plusieurs mois que le torchon brûle entre Universal et Johnny. Et il n'y a pas si longtemps, sa maison de disques aurait augmenté son pourcentage sur ses ventes d'albums. Les deux parties seraient donc en négociation depuis un moment. Mais rien ne va plus. Je pense que Johnny n'a pas été maltraité par Universal Music France, pas du tout. Simplement, il s'est peut-être rendu compte qu'il vendait encore plus d'albums qu'hier, aujourd'hui, et que, en devenant son propre diffuseur d'albums, son propre faiseur d'albums, ça serait certainement plus rentable pour lui. Pourtant, la semaine dernière, Hallyday a déclaré qu'il ne voulait pas se produire lui-même, même s'il détient depuis juillet 2002 sa propre société de production et d'édition, Pimiento Music. À l'évidence, il y a de gros intérêts en jeu. Johnny, c'est chaque année 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 5% des revenus d'Universal Music. Alors, quel est le problème? Pour certains, Johnny serait manipulé, Laetitia et son père voudraient gérer eux-mêmes sa carrière. Pour d'autres, Universal abuserait de sa star numéro 1. Alors, que croire? Quand M. Boudou vient démontrer à Johnny que ses contrats avec Universal ne correspondent pas à la réalité, ou que les relevés de compte ne correspondent pas à la réalité, c'est avec preuve à l'appui. Bon, Johnny n'est pas le genre de type prendre des décisions sur un coup de tête ou de façon intempestive. Manipulé ou pas, la vraie question c'est, Johnny va-t-il continuer à chanter et à sortir des disques? Bah oui, c'est ça qui compte. Ça ne met en aucun cas en danger Johnny et sa carrière, c'est-à-dire qu'on verra encore Johnny. Il aura encore de nouvelles chansons et de nouveaux albums à nous proposer, sans aucun doute. En effet, un nouveau Johnny est déjà annoncé fin 2004, toujours chez Universal. Son contrat oblige la star à y sortir encore un album. Pour la suite, tout se joue apparemment en coulisses. Cette proposition de sortir un album en 2004, ça fait partie, je vous dis, des négociations secrètes qui se déroulent en ce moment entre les deux parties, et je vous dis qu'elles aboutiront probablement d'ici 15 jours, 3 semaines. Rappelons que la carrière de certains chanteurs a été brisée suite à de tels différends avec leur maison de disques. Les négociations qui se tiendraient en ce moment font néanmoins penser qu'un tel drame n'arrivera pas à notre Johnny. Un autre grand monstre sacré de la chanson française qui va nous rejoindre sur la scène du Palais des Congrès pour un duo. Il vous a déjà d'ailleurs rendu hommage sur scène, déjà à la fin de ses concerts. On en parlera avec lui juste après. Merci d'accueillir monsieur Johnny Hallyday qui accompagne Charles Aznavour sur la chanson Sur ma vie. Johnny Hallyday. Johnny et Charles, Sur ma vie. Ma vie, je t'ai juré un jour de l'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Et sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions ivres de passion, et mon cœur voulait t'offrir mon nom. Mais des orgues qui chantaient face à Dieu qui priait, heureux je l'attendais. Mais les orgues se sont tus et Dieu a disparu, car elle n'est pas venue. Et sur ma vie, j'ai juré que mon cœur ne battrait jamais pour aucun autre cœur. Et tout est perdu, car il ne bat plus, mais il pleure, mon amour déçu. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et même à présent, je tiendrai serment, malgré tout, mais le mal qu'elle m'a fait. Sur ma vie, c'est vrai, je l'aimerai. Charles Aznavour, Johnny Hallyday. Bon anniversaire, Charles. Bon anniversaire, Charles, une nouvelle fois. Merci. Ah ben c'est le leitmotiv de la soirée. Bonsoir, Johnny. Johnny, si je ne m'abuse, vous avez habité chez Charles Aznavour. Il m'a gentiment hébergé quand j'avais 17 ans chez lui à Montfort-l'Amaury. Oui. J'étais venu pour un week-end pour apprendre une chanson qu'il m'avait écrite et je suis resté 2 ans. Ah, méfiez-vous si Johnny, si vous habitez avec, Johnny avec, un week-end, méfiez-vous. Avec des allers-retours quand même. Avec des allers-retours, oui. Mais c'est vrai, il m'avait offert un cheval que j'avais surnommé Rock. Oui, c'est ça. Tiens, je me demande bien pourquoi. Ce qui avait surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, tu montes à cheval. Il m'a dit oui. Et on est parti faire du cheval. On en a fait pendant 4 heures à peu près. Hein. On est revenu et je lui ai dit, bah, écoute, après une bonne séance de cheval comme ça, on va plonger dans la piscine, on va plonger. Et il m'a dit, ça brûle. Il avait le dos complètement en sang. Il m'a dit, c'est la première fois que je monte à cheval, je m'en étais j'avais pas rendu compte. J'avais pas osé lui dire, hein, surtout. On va revenir, si vous le voulez bien, à la chanson et Johnny au parcours de Charles Aznavour. Vous avez tenu en 98 à chanter cette chanson, Sur ma vie, au Stade de France. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, justement? Sur ma vie ? Oui. J'avais adoré cette chanson parce que c'était une des premières chansons de Charles que je l'avais vu interpréter sur scène au début. Et j'ai toujours rêvé de chanter cette chanson et j'avais été, pour moi en tout cas en ce qui me concerne, c'était un hommage à Charles que je voulais faire au Stade de France de chanter cette chanson. Et pour moi surtout, le fait de la chanter ce soir avec lui en duo, pour moi c'est la plus belle des joies qu'on puisse me faire. Voilà. En tout cas, merci Johnny d'être venu parce que Johnny tourne un film en ce moment. Très bien. Johnny est maton dans une prison. Ça se passe bien dans la prison, Johnny ? Ça se passe pas trop mal, mais tu sais, je suis maton dans une prison. Moi, ce qui je pensais pas, genre, je pensais un jour y aller pour d'autres raisons, mais là, je suis maton dans une prison. C'est une bonne nouvelle, plutôt. Hein. Enfin bon, je risque pas grand chose comme ça. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure, Johnny. Merci beaucoup pour ce très joli duo. Je vais, si vous le permettez, reste avec nous, Johnny, une seconde. Plaisir de recevoir Johnny Hallyday qui annonce son retour sur scène l'année prochaine et qui aussi se mobilise pour les victimes du raz-de-marée en Asie. Johnny Hallyday participe notamment à un disque vendu au profit de l'ICF, l'Action contre la faim. Nous parlerons tout cela avec lui à la fin de ce journal. Puis nous avons le plaisir de recevoir Johnny Hallyday qui non seulement prépare une nouvelle scène, on va en parler dans un instant, mais participe aussi à l'aide humanitaire, on le voit ici sur ces images, en faveur de l'Asie du Sud, à l'initiative de Patrick Bruel, une cinquantaine d'artistes dont Johnny Hallyday, Garou, Maxime Le Forestier et bien d'autres, Jean-Jacques Goldman, Calogero ou Kyo, ont enregistré cet après-midi, vous y étiez, une chanson intitulée « Et puis la Terre ». C'est donc pour aider les victimes du raz-de-marée. C'est une chanson unique, c'est un single qui va sortir le 31 janvier. Ajoutons aussi qu'il y a un disque dont les ventes iront au profit d'Action contre la faim qui sortira mardi. Il comporte un certain nombre de chansons et notamment un duo avec Johnny Hallyday. On va en reparler aussi dans un instant avec notre invité Johnny qui sera au Palais des Sports en juin 2006 dans le cadre d'une tournée intitulée Flashback. L'occasion évidemment de revoir quelques temps forts de la carrière du chanteur avec Catherine Combe. Une bête de scène qui, depuis l'âge de 17 ans, n'a jamais quitté les planches, voilà comment définir Johnny Hallyday. Souvenons-nous de Tennessee, cette volonté de plonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Symbole dans les années 60 d'une jeunesse à laquelle il manquait une idole, Johnny très vite rejoint la cour des grands en fréquentant les salles de spectacle les plus prestigieuses comme l'Alhambra ou l'Olympia. Partout sur son passage, le public s'enflamme. Jean-Philippe Smet, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Mais ce que l'on retient de Johnny, c'est surtout cette passion pour les grandes mises en scène, comme ici au Stade de France, où il se fait élitreiller sur scène. Je le chante autant que je l'aime, et je le chante toujours. Même show à l'américaine, ici au Zénith ou encore à Bercy. À 60 ans, Johnny continue à faire rêver avec plus de 1000 chansons au compteur, 100 millions de disques vendus et 39 disques d'or. Voilà, Johnny Hallyday, bonsoir. Nous sommes offert ce petit flashback à nous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Pourquoi ça va s'intituler Flashback, alors, cette tournée, ce spectacle ? Eh bien, parce que j'ai voulu faire une tournée où je faisais, où j'allais faire toutes les salles que j'ai pu faire durant ma carrière, c'est-à-dire depuis 1961. Les petites. Et donc, évidemment, on commence bien sûr par la salle mythique du Palais des Sports, parce que c'est une salle que j'ai pas faite depuis 20 ans. Et puis ensuite, on continuera une tournée tout l'hiver avec toutes les salles que j'ai pu faire, que ce soit en province ou à Paris. Ça veut dire qu'en fait, ça vous démange. Vous ne pouvez pas rester sans faire de la scène. Ben, j'aime. Vous savez, pour moi, c'est l'occasion de faire de la scène. C'est l'occasion pour moi de retrouver le public. Et il n'y a rien de plus formidable pour un artiste d'être sur une scène devant le public. C'est là où je me sens le mieux. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise sur une scène que devant un micro dans un studio d'enregistrement, par exemple. Donc, moi, j'aime les gens. Et je crois que les gens me le rendent bien. Et ça on nous permet vu, de oui. ça nous, c'est une retrouvaille, quoi, à chaque fois que je fais de la scène. Et c'est vrai que si je devais un jour ne plus faire de scène pour une raison ou une autre, je serais certainement très malheureux. C'est un rendez-vous, évidemment, pour lequel on se prépare dès maintenant, j'imagine. Ce sera en juin 2006, mais c'est une sacrée performance. Ben oui, parce qu'on va partir, à peu près entre 7 et 8 mois en tournée. Donc, ça fait longtemps, en plus, que je n'ai pas fait une tournée aussi longue, et ce qui me ravit d'avance, parce que je vais pouvoir faire la fête avec le public tous les soirs. Ce spectacle qui s'annonce dans le Palais des Sports, d'abord pour nous Parisiens, qu'est-ce qui va changer ? Est-ce qu'on sait déjà quel temps fort on va pouvoir découvrir ? Écoutez, comme je fais une tournée flashback avec les salles que j'ai pu faire tout au long de ma carrière, et je vais évidemment choisir des chansons de mon répertoire qui soient des anciennes chansons ou plus récentes, en essayant de c'est pas toujours facile parce que on essaye toujours de choisir les chansons qui ont marqué les gens et que les gens ont envie d'entendre. Mais je vais essayer aussi de faire des chansons que j'ai moins chantées que sur scène, que d'autres. Et puis il y a mon nouvel album que je vais enregistrer au mois de juin. Alors c'est ça qu'on aura évidemment un autre événement pour lequel on aura le plaisir de vous voir. Signalons aussi, on en parlait, que comme beaucoup, mais c'est vrai, vous êtes mobilisé pour aider les victimes de ces raz-de-marée en Asie. Il y a eu tout à l'heure l'enregistrement d'un single qui va sortir le 31 janvier. Oui, qui était composé par Patrick Bruel. Et vous étiez quelques-uns à l'enregistrement. Oui, il y avait Garou, il y avait beaucoup d'artistes, il y avait Noah, Et puis il y a ce disque Solidarité Asie qui sort mardi, lui, au profit d'Action contre la faim, l'association qui œuvre beaucoup là-bas. Ils sont très nombreux à y travailler. Pourquoi vous êtes-vous engagé comme ça, Johnny ? Vous savez, je crois que c'est important pour les artistes, en tout cas, de pouvoir faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire chanter, quand on est chanteur, et de pouvoir aider. C'est une énorme catastrophe qui est arrivée là-bas. Et je pense que notre façon à nous d'aider, c'est d'essayer de ramasser le plus d'argent possible pour pouvoir aider ces pauvres gens qui n'ont plus de maison, dont une grande partie de leur famille a disparu. Et puis les enfants, il faut. Moi, c'est surtout, je suis sensible aux enfants, il faut aider ces pauvres enfants, quoi. Oui, c'est ça qui vous a touché, c'est ce qui a touché tout le monde. On a senti que là, l'élan de solidarité était particulier. Oui, mais on est tous impliqués, que ce soit moi ou les autres artistes. On est tous impliqués d'une façon très forte là-dedans. Dans cette position. En tout cas, voilà, signalons que ce disque et le single, le 31, acheté ce Solidarité Asie, il y a un très très joli duo que vous interprétez avec Isabelle Boulay. Avec Isabelle, oui. Vraiment, très belle chanson, notamment parce qu'on retrouve aussi de très nombreux artistes, Mylène Farmer, Eddie Mitchell, Alain Bachung, etc., Jean Goldman, Michel Sardou et les autres. Merci beaucoup, Johnny Hallyday, d'être venu. On vous retrouvera pour le disque en juin et la scène l'année prochaine. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Sous le soleil, sous trop le soleil, sous le trop soleil, trop, sous le trop. Marie tient un petit bar sur la plage. Elle est secrètement amoureuse de Philippe, qui adore les UV et la pêche aux moules. Philippe est seul depuis longtemps, mais il faut dire qu'il est super chiant. Si ça se trouve, il est abonné à Pink TV et n'ose pas avouer son homosexualité latente. Thierry, lui, c'est le mec qui tient le magasin des crèmes solaires, parce que, comme il dit, le soleil ça craint, surtout l'été à midi. Oui, Thierry est un poète. C'est la raison pour laquelle il fait craquer Mélanie, la mélancolique, parce qu'elle n'a pas connu son père, ou plutôt, son père ne l'a pas reconnue. Marc, lui, c'est le médecin, toujours en blouse blanche. Son petit jeu favori, c'est de faire croire qu'il est gynéco, alors qu'il est dermatogénéraliste pour les oreilles. Tout ce petit monde se retrouve, bien sûr, vous l'avez deviné, dans Trop sous soleil. Écoute, Mélanie, cela faisait longtemps que je voulais te parler en tête à tête, avec toi et moi, tous les deux. Et... Salut, vous deux, ça va? En forme? Ouais, ça va. Oh, t'as mauvaise mine, toi. Oh, si j'étais pas là. Non. Ça va. Oh, toi, tu le couvres quelque chose. Non, je te jure, tout va bien. Tu sais, Thierry, le train de l'amour ne s'est jamais arrêté à mon quai. Ouais. Tiens, je vais te prendre quand même la température. Hein. Bah non, quand même. Bon. Écoute... où la bouche? Mélanie, est-ce que tu m'aimes? Ton silence est une réponse. Quand tu me regardes, je le sais. Tes cheveux frisent comme un petit mouton facétieux. Embrasse-moi, Mélanie. Eh, hey, dis donc, un petit 38 quand même, hein? Ah bon? Ah ouais, tu vois? Et fais gaffe, hein, le corps s'exprime. Ah bon? Ah ouais, et là, il est en train de te dire que... Quoi? Bah, t'es chaud comme la braise, hein? Et toi aussi, il faut que je te prenne. Mais non, la température. Ah non, je ne sais pas, je ne suis pas prête, tout cela me fait peur. Mais t'en fais pas, ça va aller très bien. Mais je parle pas à toi, je parle à Thierry. Je suis là. Et que faire de notre amitié? Et que dire à mon chien Sam? Va-t-il t'accepter comme son nouveau maître? C'est une bonne question. Si ça t'arrange, je connais un psy pour chien, il est génial. Si ça t'arrange, je connais un psy pour chien, il est génial. Ah ouais, génial, hein. Mais en attendant, laisse-moi un peu de temps encore. Écoute-moi, Mélanie. Écoute-moi, Mélanie. Tu vas y voir rien. Écoute-moi, Mélanie. Combien de temps encore? Je ne sais pas. Nous le saurons peut-être dans le prochain épisode. Ouais, eh ben c'est pas dans la poche. Ah bon, pourquoi? Ben, moi, j'ai entendu parler d'une grève qui est en train de se préparer. Oh non. Attends, trop sous le soleil, j'ai que ça pour bouffer, moi. Encore? Oh là, j'en ai marre, hein. Je me casse. Putain, mais ils sont oh là dingues, là. Quoi. Ça n'arrête pas. Bah, tu sais, c'est la télé, hein. Le lundi 7 novembre 2005 sort le 42e album de Johnny, Ma Vérité, et le dernier album chez Universal. En extrait, voici Ma Religion dans son regard. On peut survivre encore s'il ne reste plus que l'amour, d'accord. On peut survivre encore ensemble, ensemble. Et quand on vous écorche, qu'on vous ôte l'épaule qui vous supporte, on peut souffrir encore longtemps, longtemps. C'est quand on n'y croit plus que le ciel vous entend et pardonne. Le temps a ses vertus en somme. Et j'ai trouvé la lumière juste au bout de ses lèvres. J'ai pu quitter la terre ferme en fait. Et j'ai trouvé au moment où je n'avais plus d'espoir ma religion dans son regard. Et on a beau se dire que ce ne sera jamais pareil qu'avant, à force de reconstruire lentement, on avance. Et apprendre à sourire, essayer d'à nouveau faire confiance, pour finalement s'ouvrir et saisir sa chance. C'est quand on n'y croit plus que le ciel vous entend et pardonne. Ses vertus en somme. Samedi 28 janvier 2006, lors des Energy Music Awards, Johnny chante avec le ministère amer et le temps passe. La séquence a été enregistrée la veille, lors des répétitions, Johnny refusant de se prêter à l'exercice du playback exigé par les organisateurs. Au fond des blocs, enfant des îles, fils d'une classe ouvrière, l'idole des jeunes doc restera le même, de Porte de la Chapelle aux ondes hertziennes. À l'heure où le monde se bouscule, je repasse ma vie à l'envers. Ouais. Toto, j'en ai fait des rêves, des calculs. Oh oui. J'ai jamais voulu vraiment me laisser faire. Jamais, jamais, jamais, jamais. Et le temps passe. Non, je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. Rien ne s'efface. Mon destin me ressemble bien. Nos points ont guidé nos refrains. Et le temps passe. Pour changer, je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. La moindre trace. Je l'ai bâti de mes mains. Nos points ont guidé nos destins. Au basket blanche, mon air clair, l'encre a coulé dans ma carrière à temps plein. Viser le haut quand top, mon temple est légendaire. Mon air amer, mon mes rêves sont restés les mêmes. J'ai emporté le flambeau, représenté l'honneur des miens. Le basket blanche, ma grande gueule, de l'encre sur les mains. Mon stylo était meurtrier, coupable, ennemi numéro 1. Entre merde et perles blanches, j'ai le goût pour la revanche. Boxeur, breaker, rappeur, acteur, attitude franche. Oh, j'ai chanté les hommes leurs désirs. Ouais. Tout le monde, tout le monde. Les destins fragiles et l'amour. Je suis né dans la rue. On a voulu que je tombe sur place. Bah, bah. Moi j'ai souvent fait place et je combats toujours. Le combat continue et le temps passe. Non, je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. Rien ne s'efface. Mon destin me ressemble bien. Nos points ont guidé nos refrains. Et le temps passe. Pourtant, je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. La moindre trace, je l'ai bâti de mes mains. Nos points ont guidé nos destins. Dealer de hip-hop rock, des purs dans le froid. Fusion guitare et peura pour civil et callboy. Ministère Johnny, aussi burné qu'un keuf sous Sarkozy. Sarkozy dans ma musique, quel savoir comme musique. Basket blanche et blouson noir, génération manque d'espoir. Cette connerie que ce gardien me foute la paix. Lascar abandonné, j'ai le rêve décidé dortoir. Rap, tout est rap, mon RTT, c'est ça, c'est la vérité. Stop, Johnny. L'être humain porte en lui le meilleur. Le meilleur. Je sens encore le poids de mes erreurs. De mes erreurs. Le pire a si souvent été là. Oh oui. La peine guidée mais pas. Mais je la garde au fond de moi. Jusqu'au dernier souffle. Et le temps passe. Non, je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. Rien ne s'efface. Mon destin me ressemble bien. Nos points pour guider nos refrains. Et le temps passe. Je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette la moindre trace. Je l'ai bâti de mes mains. Nos points ont guidé nos destins. Et le temps passe. Johnny Hallyday, mystère amer, le temps passe. Et ouais, ça le fait. Rien ne s'efface. Mon destin me ressemble bien. Nos points ont guidé nos refrains. Et le temps passe. Pourtant, je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. La moindre trace. Je l'ai bâti de mes mains. Nos points ont guidé nos destins. Mon rock est sombre, mon rap est profond. Sexe comme une lampe sur un téton. Dur comme les blocs de béton. Yeah, dealer de hip-hop rock. Dealer de hip-hop rock. Johnny Ali. Dealer de hip-hop rock. Le temps passe. Le temps passe, le temps passe. Jo, ministère A-M-E-R. Dealer de hip-hop rock. Hip-hop rock. Yeah, yeah. Ministère amer, Stommy Bugsy, Passy, Jock, Gineco. Oh! Je vous préviens, n'approchez pas. Vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas. Non, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez. Mon fichier braqué. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Dites au curé, dites au pasteur qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. m'appelez pas, c'est de bonheur. Et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. Et à quoi me servirait ma vie sans elle? Je n'étais qu'à vous et pas. Mon ciel, c'était tes yeux, sa bouche. Ma vie, c'était son corps, oui, son corps. Je n'aimais tant que pour la garder. Je l'ai tué pour qu'un. Les chasseurs et les chiens enfin. Oui, c'est l'heure de sonner la lali. La bête doit mourir ce matin. Je vais ouvrir grand les volets. Crevez-moi le cœur, je suis prêt. Moi, je veux m'endormir pour toujours. Par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche. Ma vie, c'était son cœur. Cette nouvelle édition des choristes, et c'est vous dire si la soirée va être belle, incroyable et également rock'n'roll. Bonsoir Johnny. Ouf. Merci. Ouf. Nous aussi on fait ouf. Ça va Johnny? Très bien. Merci, merci, merci sincèrement du fond du cœur pour. J'ai un peu l'habitude de la scène. C'est vrai. Je suis un peu essoufflé, mais ça va revenir. Ça va revenir doucement. Mais que dire de plus? Des applaudissements pour reprendre son souffle. Et bravo à nos 500 choristes, parce que vous savez, Johnny... Oui, ben, ça m'a soutenu, hein. Merci, hein. Merci à vous tous. Nos 500 choristes, ils ont bossé comme des fous, et quand on leur a dit que vous étiez le parrain de notre émission, évidemment, ça a été une explosion de joie. Après, ça a été du travail sur toutes les chansons que vous allez nous interpréter ce soir et nous offrir. Comment vous les trouvez? Comment vous la trouvez, notre chorale? Ils ont besoin de savoir. Je les trouve magnifiques. Je les prendrais bien sur scène avec moi. Hein. C'est vrai? Attention, hein. C'est maintenant le plus grand rocker français. Il a la force, il a la flamme, ce qu'il faut pour mettre le feu ce soir. Toute la musique qu'il aime, elle vient de là, elle vient du blues. C'est Johnny Hallyday dans Symphonique. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'est le blues, J'y mets mes joies, moi j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient blues. Je le chante autant, autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour. Pour chanter les peines, mettre les espoirs. C'est pour chanter Dieu et puis l'amour. Ouais, la musique vivra. Je pleure mais je chante quand même. Tu sais c'est ma prière pour te garder. Oui, toute la musique que j'aime. Oh, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Oui, le blues. Moi j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour. Pour chanter les peines et les espoirs. C'est pas gentil, Dieu. Et puis l'amour. Toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'est le blues. Toute la musique que j'aime. Ce soir extraordinaire, Jenny qui met le feu au symphonique. Bonsoir Jenny, merci d'avoir ouvert ce symphonique. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Ah, ça je dois dire que le blues chanté avec un philharmonique, c'est bien. C'est bien à la guitare aussi. Et c'est bien aussi. Hein, mais vous savez, cette chanson, je l'ai faite de tellement de façons différentes. Il doit y avoir une vingtaine de versions différentes. Il faudrait faire un album avec toutes les versions de cette chanson déjà. Je suis sûre que ça serait formidable. En tout cas, je crois que les gens s'en lasseraient s'il n'y avait que cette chanson. Non, on ne peut pas se lasser de Johnny. On peut se lasser de Johnny? On ne se lasse pas. Ma vérité frise le million d'exemplaires. C'est un triomphe. Jade, elle vous porte bonheur? Je dois dire que oui, c'est vrai. C'est un vrai petit bout de bonne femme, elle. Elle est très mignonne. Elle sourit tout le temps. C'est bien d'avoir quelqu'un à la maison qui sourit tout le temps. Ouais. Et puis, elle vous a donné le sourire aussi, je trouve. À chaque fois qu'elle me voit à la télé, elle fait « Oh, papa !» C'est mignon. Jenny, on va se retrouver tout à l'heure pour un duo explosif. C'est une exclusivité. C'est la première fois que vous allez chanter avec elle à la télévision. C'est Chimène. Oui, j'ai chanté Chimène avec elle sur scène. Ouais. Mais jamais encore, jamais à la télévision. C'est vrai. Jamais. Et oui. C'est une très belle chanson en plus, puisque vous avez choisi d'interpréter Derrière l'amour. C'est une chanson qu'on entend rarement. C'est-à-dire que je voulais une chanson avec de la voix, ouais, pour chanter avec Chimène, ouais, parce qu'elle chante tellement bien. Elle chante bien et vous aussi. Ça va être un grand moment dans le symphonique. Je vous l'avais promis, et vous savez, le Symphonic Show tient ses promesses. Un duo inédit à la télévision, Chimène Badi et Johnny Hallyday, pour derrière la mise, Chimène et Johnny. Une chaîne de pourquoi. Question que l'on se pose. Oh, il y a des tas de choses. Des pleurs qu'on garde sur le cœur, et des regrets et des rancœurs, des souvenirs éblouissants. Et des visions de néant. Donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Aime-moi et moi plus fort. Empêche-moi de me décrire. Derrière ton amour, qu'est-ce qu'il y a? Qui est cette femme auprès de moi? Quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Pour y vivre et pour y mourir. Quel plaisir de chanter avec elle. Non, quel plaisir de chanter avec toi. Merci beaucoup. Merci. Et quel plaisir pour nous. C'est un énorme plaisir que vous venez de nous offrir, hein, tous les deux. Bonsoir, Chimène. Bonsoir. Asseyez-vous. Chimène, Jenny. Alors là, vraiment, c'est un moment rare, unique, vous venez de nous offrir. Merci beaucoup. Bah, merci à vous de m'avoir offert un aussi beau cadeau. Ah, mais moi, j'aime bien chanter avec Chimène. Ah, moi aussi, j'adore. Tiens, touche. Je peux, moi, ouais. Je suis une fille. Hein. Ah, ça palpite, ça bat. Ça bat dans le cœur de Chimène. C'était un beau moment, vous étiez... C'est quand même bien de chanter avec des gens qui ont de la voix. Hein. C'est, ouais. C'est pas mal. Ah, hein. Ça, c'est vrai. Tu peux le dire. J'ai l'impression, Chimène, que c'est très agréable aussi de chanter avec quelqu'un de généreux et de protecteur comme Johnny. On avait l'impression que vraiment vous étiez comme couvé. Mais je me c'est sens un peu bien. Comme ma petite sœur. Hein. Moi, je fais attention à elle. Ouais, c'est adorable. Mais je me sens super bien avec Johnny. C'est une des premières, enfin c'est la première personne avec qui j'ai fait un duo vraiment formidable et c'était un cadeau vraiment intense et vraiment plus que beau. Et de le revivre ce soir avec tous ces grands artistes derrière nous, bah ça a pris une ampleur pas possible. C'était sur scène et c'était super. L'envie. Ouais, non, c'était Je te promets, c'était voilà. Très beau aussi, c'était sur scène, et là c'est votre premier duo à la télévision. Pourquoi avoir choisi cette chanson, Derrière l'amour, qui est une très belle chanson? Ben parce que cette chanson me rappelle des bons souvenirs, et cette chanson je ne l'ai jamais chantée en duo avec quelqu'un, donc je trouvais que c'était bien de la chanter ce soir avec Chimène. Donc c'est doublement une première, voilà. C'est oui, et puis c'est une très très très belle chanson, et puis j'étais vraiment contente de pouvoir l'interpréter. J'ai toujours interprété les chansons de Johnny comme l'envie ou toute la musique que j'aime, et derrière l'amour, bah c'était voilà une c'est nouvelle une chanson. C'est une belle chanson d'amour, alors donc c'est une déclaration en quelque sorte. C'était une déclaration. Voilà. Je voudrais remercier le formidable orchestre symphonique de ce soir. Avec le chef Robert Rollo. Et le chef d'orchestre. Merci beaucoup. Thank you very much. Qu'on remercie à chaque fois. Grâce parce que vraiment, ils nous font vivre des bons moments. Hein. Ainsi s'achève cette première partie de la décennie 2000. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté et regardé cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.